Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas, au plan d'un drame, à des sujets de tableau, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur, mérité par l'excellence de son âme, tardait à venir. Il se déclama des vers mélancoliques. Il marchait sur le pont à pas rapides. Il s'avança jusqu'au bout, du côté de la cloche. Et, dans un cercle de passagers et de matelots, il vit un monsieur qui comptait des galanteries à une paysanne tout en lui maniant la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine. C'était un gaillard d'une quarantaine d'années, à cheveux crépus. Sa taille robuste empêchait une jaquette de velours noir, deux émeraudes brillaient à sa chemise de batiste et son large pantalon blanc tombait sur d'étranges bottes rouges en cuir de Russie rehaussées de dessins bleus. La présence de Frédéric ne le dérangea pas. Il se tourna vers lui plusieurs fois, en l'interpellant par des clins d'œil. Ensuite, il offrit des cigares à tous ceux qui l'entouraient. Mais, ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin. Frédéric le suivit. La conversation roula d'abord sur les différentes espèces de tabac, puis, tout naturellement, sur les femmes. Le monsieur en bottes rouges donna des conseils au jeune homme. Il exposait les théories, narrait des anecdotes, se citait lui-même un exemple, débutant tout cela d'un ton paterne, avec une ingénuité de corruption divertissante. Il était républicain. Il avait voyagé. Il connaissait l'intérieur des théâtres, des restaurants, des journaux et tous les artistes célèbres, qu'il appelait familièrement par leur prénom. Frédéric lui confia bientôt ses projets. Il les encouragea. Mais il s'interrompit pour observer le tuyau de la cheminée, puis il marmotta vite un long calcul afin de savoir, ouvrez les guillemets, combien chaque coup de piston, à tant de fois par minute, devait, etc., fermer les guillemets. Et, la somme trouvée, il admira beaucoup le paysage. Il se disait heureux d'être échappé aux affaires.